sans ses fois pour t'adorer, oh roi. Nous irons témoigner jusqu'aux extrémités de toute cette terre que tu as créée de la grandeur de tous tes hauts faits. Nous élèverons nos voix avec puissance et foi pour t'adorer, ô roi. Nous irons témoigner jusqu'aux extrémités de toute cette terre que tu as créée de la grandeur. Nous élèverons nos voix avec puissance et foi pour t'adorer, ô roi. Nous irons témoigner jusqu'aux extrémités de toute cette terre que tu as créée de la grandeur de tous tes hauts faits. De ton nom.